pages arrachées au roman de Serge Rezvani. Histoire masquée. Extrait lu par Alain Fromager. Une lecture enregistrée en public à l'Espace Cardin le 13 octobre 2018. Ce personnage a existé. C'était un grand ami à moi qui était prêtre et qui, le long d'une vie, tout doucement, a perdu la foi. Mais sa trajectoire était très bouleversante, très belle, très intéressante, très cruelle. Et donc, c'est un roman gothique. Je pense qu'aujourd'hui, il est difficile d'écrire un roman comme celui-là sans se référer au 19e siècle, le siècle du roman. Voilà, donc c'est un livre plein d'humour, mais assez terrifiant, qui se rapprocherait plus de Au dehors le vent, que j'admire énormément, ou d'un livre que j'admire aussi, qui s'appelle Le Maître de Ballantrae, de Robert Louis Stevenson. Voilà, donc c'est pas un livre moderne dans le sens, disons... Je ne ferai pas de commentaire sur ce qui s'écrit aujourd'hui. Voilà. Histoire masquée de Serge Rezvani. Supposons que le très âgé et tout dernier représentant d'un des grands noms de France éprouve, avant l'ultime nuit, le besoin d'éclairer, en gardant l'anonymat, certains secrets qui touchent à sa famille, proche par sa descendance de Gilles de Rais, et au lien du pouvoir avec le mal. Supposons qu'il s'agisse d'un prêtre en perte de foi mais à l'âme torturée par les démons dont il pensait en vain se débarrasser dans les illusions de la prêtrise. C'est avec le recul aujourd'hui, je commence seulement à comprendre, autant qu'il est possible, la trajectoire si originale de mon grand-oncle, le révérend Père Marc. De l'avoir connu, d'avoir partagé avec lui ses derniers voyages d'île en île, qu'il tenait tellement à me faire connaître, comme si l'approche de la mort lui imposait le devoir d'initier, en quelque sorte, l'ultime représentant de notre famille, m'émeut et ne me fait pas regretter d'avoir réalisé une copie de ses confessions. Qui m'était adressé ce que j'ai compris en les lisant de manière plus approfondie. À la lueur vacillante de nombreux cierges sentant si bon la cire, j'étais seul à veiller mon grand cher oncle qui gisait sans vie dans la chapelle. Combien il m'a été facile de courir jusqu'au château pour en photocopier les feuillets dans le bureau de François, puis de les remettre à leur place sur l'autel afin que ces confessions soit évidemment détruites par l'Église pour leur contenu sulfureux. Et je dois ajouter que sans ces pages, auxquelles je reviens sans cesse, je n'aurais jamais entamé l'écriture de ce livre qui en élargit le champ, puisqu'il y est question de notre famille, bien sûr, mais qui surtout s'efforce de restituer le fourvoiement. Ce sont là ses propres termes, hélas, de la vie sacerdotale de mon oncle Marc, dont le dernier souffle, en expirant dans mes bras, contenait ces désespérantes et sublimes paroles. « Sache, mon petit Jacob, que je meurs sans plus de foi qu'un tout petit enfant qui viendrait de naître. » Et toujours à propos de sa perte de foi, en une autre occasion, nous nous trouvions encore dans les Cyclades, où il tenait tant à ce que je l'accompagne, ce que j'adorais. Il m'avait dit, et je me suis empressé de le noter le soir même, à notre retour en France, je t'offrirai la religieuse de Diderot. Tu dois lire ce livre, pour toutes les raisons que tu comprendras en le lisant, bien sûr, mais aussi en souvenir d'une malheureuse jeune noble de notre lignée en révolte contre la foi, laquelle a inspiré sur le vif cet écrit sulfureux où Diderot a rendu plausible la révolte intérieure d'une séquestrée vive qui, malgré les atroces rigidités conventionnelles, avait réussi à glisser entre les barreaux de sa prison sa plainte vers le monde libre des hommes. Mais, mon oncle, j'ai lu ce livre Et qu'en as-tu pensé ? Comme le destinataire de ces écrits, j'ai été persuadé de la réalité de cette séquestration. Non ! Je te demande ce que tu en as pensé en profondeur. Ce que tu en as conclu à propos de la foi vue par l'autre sexe. Celui que depuis l'aube des temps, nous autres hommes, nous avons exclu. Exclu ? Mais plus que les hommes, les femmes ont de tout temps été les rigides gardiennes de la foi. Tu as raison et tort, mon petit Jacob, avait dit mon grand-oncle avec un sourire plein d'ironie. Plus que les hommes, les femmes ont surtout et depuis toujours été victimes de la foi dans laquelle elles se sont anéanties. Alors que nous autres les hommes, nous en sommes servis pour prendre le pouvoir dans le temporel, justement par l'inassouvissement de l'obsessionnel désir sexuel. Arrivé à un certain stade de l'intelligence, comme les grands artistes qui ont transcendé l'inassouvissement, l'inaccomplissement, l'insatisfaction inhérent à l'homme, homme, en les compensant par les névroses de la création, nous autres, les prêtres, nous sommes depuis toujours servis de la foi pour faire œuvre de pouvoir, en tenant l'humanité pour son bien, ça va de soi, en servitude. Mais mon oncle, comme le pape, je vais te dire, ne m'interromps pas, mon fils. Car c'est justement pendant mes différents séjours au Vatican que j'ai compris de quelle abominable mission se sont emparés ces artistes de la religion, voués comme les génies de l'art à l'inassouvissement et bien sûr à la perte de foi. Ce terrible doute qui frappe tout aussi fatalement nos sommités religieuses que les plus grands artistes de l'humanité. Mais mon oncle, vos paroles auraient mérité le bûcher, c'est évident ! Eh bien, vois-tu, c'est à la veille de mourir que je n'ai plus peur. Comme il avait cessé de parler, je n'avais pu m'empêcher d'insister. Peur ? Peur de quoi, mon oncle ? La peur, celle qui mène le monde. Et il avait ajouté, la peur des autres, pas de la mort. Comme je l'ai dit, nous nous trouvions au large des Cyclades. Ce soir-là, la mer était blanche jusqu'à l'horizon et le bateau secouait durement. Mais mon oncle Marc, bien que déjà très âgé, avait tenu à ce que nous restions sur le pont instable que les vagues inondaient par moments jusqu'à nos pieds. « Ma vie a été une longue tempête », avait-il encore ajouté, en se tenant ferme à mon épaule. « Combien j'ai aimé la terrible tempête de ma vie !» Je sais, la métaphore est trop convenue, mais elle s'impose quand s'imposent toutes les métaphores disant ce qui ne peut se définir. Puisque les deux livres dans lesquels nous puisons les signes de notre vie ne sont que métaphores aussi. Je parle de l'Ancien et du Nouveau Testament, celui que nous avons volé aux Juifs. Et l'autre aussi. Toute ma vie, je me suis fié à ces deux livres saints, jusqu'au jour où j'ai compris que ce ne sont que de terrifiants contes pour enfants, adultes, auxquels nous demandons une sorte d'anesthésie. Oui, une apaisante anesthésie contre la peur. Oui, cette peur des autres dont je te parlais. Et il avait ajouté, s'accrochant à moi alors que la tempête devenait franchement dangereuse, « Lis l'Apocalypse de Jean. » On dit que ce livre divin fut composé par Jean sur l'île de Patmos, justement. Oui, sur cette île, là-bas, dans les embruns. Il y est question de la plus belle, de la plus inévitable de toutes les métaphores. La fin des temps, signifiée par la résurrection des morts. Le cinéma, bien sûr. Je ne comprends pas, mon oncle. Vous dites le cinéma ? Je n'étais pas sûr d'avoir bien saisi ces mots que la violence du vent déformait. Oui, j'ai bien dit le cinéma. Réfléchis un peu, mon petit Jacob. La masse de films peuplés par les innombrables acteurs morts, bien qu'en perpétuelle résurrection. Vivants à jamais, bien que morts à jamais. Bien sûr, j'ai hésité à transcrire aussi ces dernières notes prises en Grèce. Mais je ne peux éluder le côté visionnaire de mon oncle, le prêtre Marc, qui, par ses prêches au contenu assez délirant, offrait une lecture de la Bible jugée intolérable par la hiérarchie de son ordre. Car il lui arrivait parfois de dire la messe dans la petite chapelle du domaine, à laquelle assistaient Blandine, François, Ricardo Dillo, l'innocente petite Angélique, quelques familles de plus ou moins proches cousinages venues des domaines avoisinants, ainsi que divers commerçants et paysans du coin, mêlés aux domestiques du château. Ces messes et ces prêches prenaient un sens assez tragique, par la présence du Christ resté depuis la fameuse nuit de Noël, cruellement pendu par l'un de ses bras, ce qui donnait une impression de souffrance insupportable qu'aucune crucifixion si barbare fût-elle ne pouvait transmettre. Le révérend Père Marx était opposé à ce que l'on recrucifie ce Christ, avait-il dit, ajoutant que de le voir en cet état de convulsion changeait des habituelles et paisibles crucifixions auxquelles on s'était si bien fait que nul n'en voyait plus l'ignoble barbarie. En des termes tout aussi brutaux, il l'avait dit lors d'un de ses prêches, ce qui avait fait réagir la plupart de ceux qui assistaient à la messe. Une des lointaines parentes de notre famille, la baronne de... aborda le père Marc pour lui dire combien il était choquant de laisser ce pauvre Jésus dans cet état lamentable. « Vous le préférez gentiment cloué par les deux mains, madame ?» avait-il dit, réfrénant une brusque montée d'exaspération. « Oui, mon père, cloué solidement par les deux mains, et qu'on n'en parle plus. Je ne suis pas la seule à être choquée de le voir dans cette horrible position. » C'est indécent de le laisser dans cette attitude. Eh bien, soyez choquée, baronne. Il restera dans cette position, justement, parce qu'elle est indécente. Là, au moins, on le voit souffrir. Pour nous. Oh, nous aviserons, Monseigneur notre évêque. Nous autres vrais chrétiens voulons un Christ tranquille, apaisé, souriant, et apaisant. Mais, madame, vous ne vous êtes jamais rendu compte que c'est une viande humaine saignante pendue à des crocs de boucher que vous vénérez? Nous qui avons brisé sauvagement les idoles des peuples les plus doux, prétendument sauvages, nous nous en sommes donné une bien plus sauvage par sa croix, par sa couronne d'épines et par son cœur saignant. Et vous voulez un Christ apaisé et apaisant, dites-vous? Et souriant de plus. Baronne, Satan ricane en vous. Écoutez ! Mais nous ne refusons pas Satan, mon père, lorsqu'il s'allie positivement à notre Jésus, avait répondu la baronne d'une voix sifflante. Bien sûr, le scandale dépassa toute imagination. Dans l'Anjou chrétien, les Provences autour et jusqu'à Paris, on demanda l'excommunication de ce prêtre, habité par le diable. Ce révérend père qui s'était exposé nu en Inde, ne l'oublions pas, sans que l'Église le relève de ses vœux, et que de plus le pape avait reçu personnellement afin de l'absoudre sous le prétexte, non avoué, qu'il était l'un des derniers représentants d'un des plus grands noms de France. Bien sûr, son homosexualité était ouvertement évoquée aussi, puisqu'à l'époque cette sorte d'amour était répugnante et criminelle. Et aussi, de plus, certains soupçons d'inceste se propageaient, s'élargissaient, faisaient tache, ainsi que d'autres bruits. Mais je n'insisterai pas, car il y a des lapidations par les on-dit aussi terribles que celles de l'Ancien Testament ou celles de l'Islam. Et ce fut bien là le cas. Nouvelle convocation de l'évêque. Mon oncle Marc ne s'y déroba pas. Cette fois, ce ne fut pas pour un dîner, mais on le fit venir sous le prétexte de lui faire goûter quelques rares liqueurs. « Venez là, mon fils. On dit des choses bien fâcheuses à votre propos. Venez plus près que nul ne nous entende. Goûtez-moi cet alcool de nèfle. » Que ma tante Corse, cette pauvre paysanne inculte mais avisée, distille elle-même en mettant à mariner des noyaux du fruit le plus méprisé, qui fait un des alcools les plus fins, les plus délicats que l'on puisse goûter au monde. Santé ? Goûtez ? Alors, qu'en dites-vous ? Sublime métaphore, non ? En effet, Excellence, mon père suffira. Alors, cet alcool ? Ça, c'est pas pour les cochons, non! L'évêque se renversa sur son fauteuil, l'air ravi de cette soudaine trivialité. Alors, ça chauffe, non? Hein? Et cet arrière-goût sur les papilles? Délicieux, en effet, mon père. Pour les cochons, sûrement pas. Quoique, bien, je vois que vous êtes quand même un homme. Et maintenant, dites-moi, Ce notre Seigneur Jésus-Christ espagnol en bois d'olivier, est-il vrai que vous avez décidé de le laisser à demi décloué, pendu par un bras, en train d'être sur le point de mordre la poussière, selon les affirmations de la très chère baronne, notre bienfaitrice? Mordre la poussière, c'est beaucoup dire. Mon père, mais après le coup qu'il s'est permis de m'asséner sur la tête la nuit de Noël dernier, il me plaît de le faire un peu mariner là où il se trouve, au fond de la chapelle. De quoi se mêle cette vieille chèvre de baronne? Rire de l'évêque, vite réprimé, sérieux de nouveau. Attention, surveillez-vous, mon fils. Une baronne n'est jamais vieille. Il eut un relent de petit rire. Ni chèvre. Je sais, jadis, cette aurait dû vous faire la révérence et vous donner du Monseigneur. Mais par vos vœux, vous n'êtes qu'un soldat de Dieu. Hein? Alors, vous ne dites rien? Après un moment de silence. Ah! Autre chose. L'évêque avait rapproché son fauteuil de celui du prêtre. Et dites-moi, comme si nous étions au confessionnal, dites-moi, Blandine? Ah non! C'était insurgé le père Marc. Laissons Blandine, ce sont d'ignobles ragots de vieilles grenouilles. Allons, mon fils. Ne nous fâchons pas. Laissons Blandine. D'autant que j'ai ici quelques rapports à propos de certains novices de votre couvent. Je vois Jacques, et ici Raymond, et ici Yvan, et là un Bruno, et d'autres encore. Avez-vous jamais éprouvé un amour pur? Un pur amour désirant envers un... Mes vœux me l'ont toujours interdit. C'est à vous de me répondre et non à moi. Question de terme. On pense homosexualité et moi, je dis homo-amour. Délicate nuance, non? Précisez, mon fils. Volontiers, mon père. Quant à la mort de Jonathan dans l'Ancien Testament, souvenez-vous, David pleure en murmurant ses sublimes paroles. Je suis en détresse à cause de toi, mon Jonathan. Ton amour était pour moi plus merveilleux que l'amour des femmes. En effet, mon fils, Samuel 1, 26, lequel de nous ne s'en souvient? Alors, reconnaissez, mon père, que le sexe a toujours été haï par les religions monothéistes, à tel point que, pour stigmatiser une passion amoureuse, c'est par le sexe qu'on la condamne. Comme si l'exclusivité entre deux êtres, que ce soit l'attirance exclusive d'un homme et d'une femme, ou l'attirance encore plus exclusive, et je dirais asociale, entre deux hommes ou entre deux femmes, si elles ne s'inscrivent pas dans la convention, c'est par le sexe que leur faute sera stigmatisée. Mon fils, il serait préférable de ne pas aborder un sujet tellement scabreux que même nos meilleurs théologiens n'ont pas réussi, enfin jusqu'à présent, comment dire, à le cerner. Mais, mon père, l'évitement a toujours caractérisé notre Église. Désolé, mon fils, au contraire, la sanction a toujours été d'une totale franchise. La sanction, dites-vous? Avec tout mon respect pour nos intelligences sacerdotales, laissez-moi vous faire remarquer que notre Église a toujours dénoncé comme homosexuel et non comme homo-amoureux ceux et celles. Et pourtant, ne suffirait-il pas de remplacer sexe par amour pour sublimer des sentiments où sont étroitement mélangés sexe et amour? Je vous arrête. Laissons cela à ceux qui débattent dans les cercles du Saint-Père. Permettez, mon père, permettez-moi d'aller jusqu'au bout. Plutôt que de magnifier le sexe tel qu'il est vécu par la grâce de l'amour, ceux qui débattent dans les cercles du Saint-Père dont vous parlez ont toujours voulu voir dans le sexe une bestialité dont les masques religieux soi-disant civilisateurs prétendent débarrasser la bête humaine, alors que cette bestialité gronde sourdement chez tous les censeurs et principalement ceux de notre Église. Pas un mot de plus! Vous écoutez, me donne le frisson. Alors quoi? Nous serions-nous donc tous fourvoyés en notre religion? Là, vous y allez un peu fort. Permettez-moi de vous donner du Monseigneur, mon fils, car tout autre que votre Excellence, disons un pauvre gueux de prêtre, ne pourrait se risquer à penser, et encore moins à exprimer, des idées aussi explosives, dont, je ne vous le cache pas, seront avisées nos sommités cléricales afin que vous vous rétractiez. Et pourtant, je le pense fermement, dit mon oncle. Je vous donne raison pour nos gueux de prêtres qui ne rêvent, pour la plupart, que d'une cure plus lucrative. Et qu'être au monde amoureux dans cet univers de compétition, de refus de l'autre, de guerre et de haine, C'est atteindre une dimension d'universalité en quelque sorte philosophique. Ce que notre religion d'esclave n'a jamais ambitionné puisqu'elle est issue du bas de l'humanité à laquelle elle a toujours enseigné l'humilité pour les pauvres et la patience. Nouvelle convocation au Vatican. Nouvelle audience papale encore plus précautionneuse compte tenu de ce que signifiait dans la hiérarchie du sang bleu le dernier représentant de notre lignée. Encore un étrange tête-à-tête avec sa sainteté que mon oncle avait noté. Le Saint-Père avait fait asseoir mon oncle Marc, comme la dernière fois, ses genoux emprisonnés entre les genoux enrobés du vieil homme. De sa voix dolente, il lui avait dit « Mes oreilles et mes yeux sont partout. Pourquoi, mon fils, vous acharnez-vous à les blesser ? Mais votre sainteté entre nous, mon père, suffira. Alors, pourquoi ? Non, pas un mot. Mais votre sainteté, je... Alors dites-moi, qu'est-ce que c'est que cette histoire de... d'homo amour ? C'est bien ça ? Mais... où allez-vous chercher une expression aussi dérangeante, mon fils ? Mais dans notre Ancien Testament, mon père, David et Jonathan, allons. L'Ancien Testament, on lui fait dire ce qu'on veut, vous le savez bien. La preuve, homo, amour, quelle indécence ! Amour nous appartient, comprenez cela, mon fils ? Mais, mon père, taisez-vous ! Depuis des siècles, notre Église lutte afin qu'amour demeure désincarné. Pourquoi buvons-nous du vin et de la farine mêlés à de l'eau en affirmant que c'est le sang et la chair du Christ ? Ah, vous faites bien de vous taire, mais attendez ! Le sexe, me direz-vous, mon fils ? Mais il ne figure même pas dans notre enseignement. Il avait fait... de sa bouche partiellement édentée, un peu comme un très vieux cheval. Puis continuant, « Et vous osez accoler au mot avec amour ? Diable ni ange déçu n'existe et ne s'incarne, pas plus qu'amour en homo !» Après un silence, « Allez, soyez déchus de vos vœux, excellence ! Pas relevé, je dis bien, déchus !» Reprenez votre rang parmi les hommes, Altesse Sérénissime. Au moment où mon oncle allait sortir, le pape l'avait rappelé. Rasseyez-vous là, Excellence. Une question encore, dites-moi. Croyez-vous en Dieu ? Parlez franchement. Dieu ? Franchement ? Oui, franchement. À en juger par son éternel silence, « Taisez-vous ! Taisez-vous ! » avait Jean, le pape, en serrant ses oreilles entre ses vieilles mains veinées de bleu pendant qu'oscillait son vieux corps. Sur ces mots, sa sainteté l'avait définitivement congédié. C'était Pages arrachées au roman de Serge Rezvani. Histoire masquée. Extrait lu par Alain Fromager. Musique composée et interprétée par Olivier Longre. Une lecture enregistrée en public à l'Espace Cardin le 13 octobre 2018. Une coproduction France Culture et Le Théâtre de la Ville. Prise de son, montage et mixage, Hervé Dubreuil, Mathieu Tourin. Assistante à la réalisation, Léa Racine. Réalisation, Baptiste Guiton. Histoire masquée. Est paru aux éditions des Belles Lettres.